Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. XIXe épisode. Nahrouz est mort, mystérieusement assassiné dans son domaine de Karmabougerg. Mélissa, elle aussi, est morte après avoir donné naissance à la petite fille née de sa liaison avec Nessim, à qui Darley a demandé l'autorisation d'emmener l'enfant en Grèce. Nessim a accepté de s'en séparer, momentanément. Lors d'un voyage en Palestine, Cléa a revu Justine. Rompue au dur travail communautaire, la femme fatale d'autrefois lui a paru méconnaissable. Darley et l'enfant de Mélissa et Nessim entamaient leur troisième printemps dans l'île. En Europe, la guerre touchait à son terme. À Alexandrie aussi. Les orangers furent plus opulents que de coutume cette année-là. On aurait dit qu'ils voulaient, par cette inhabituelle profusion, célébrer notre départ imminent de la petite île. Car la lettre longtemps attendue de Nessim était enfin arrivée. Elle était brève et contenait tous les détails relatifs à notre voyage. De sa grande écriture, il y avait ajouté en post-scriptum « Ce sera bon de se revoir, sans réserve d'aucune sorte. J'imagine que Balthazar vous fera le récit de toutes nos infortunes. » J'espère que vous n'exigerez pas un repentir excessif de la part de ceux qui ne vous veulent que du bien. Que le passé demeure pour nous un livre à jamais fermé. C'est effectivement Balthazar qui nous apporta le message de Nessim. Son apparition inopinée avait fortement impressionné et bouleversé l'enfant. Justine, viens mon cœur, il faut que je te parle. Ça y est, on va partir. On va aller là-bas, c'est ça, Darley? Oui, le moment est arrivé. Nous avions souvent répété ensemble toutes les phases de ce voyage, en le transposant grâce à l'imagerie d'un conte de fées. Elle ne se lassait pas d'en entendre le récit, presque impatiente de prendre place dans la galerie de portraits que j'avais dessiné et peint pour elle. Le père, sombre prince pirate dont l'image la grisait déjà. La belle-mère, reine despotique. Elle est comme la carte? Oui, la dame de pique. Elle s'appelle Justine, comme moi? Elle s'appelle Justine. Est-ce qu'elle m'aimera plus que mon père ou moins? Ils t'aimeront, tous les deux. Les 10 jours qui suivirent l'arrivée de Balthazar, nous les passâmes dans le calme merveilleux de l'attente. Le temps lui-même semblait de connivence. Le ciel était d'un bleu immuable, la mer sans une ride. Nous étions encalminés entre deux paysages, déplorant d'avoir acquitté celui-ci, mais brûlant déjà de retrouver l'autre. Immobiles, comme des mouettes sur une pointe de rocher. Pour ma part, le message de Nessim me ramenait inexorablement à cette ville unique, toujours balancée entre l'illusion et la réalité, rappelant les images poétiques que la seule mention de son nom réveillait en moi. Alexandrie, capitale de la mémoire. Balthazar était reparti tout de suite, mais il avait eu le temps de me dire quelques-uns des changements que j'allais trouver là-bas. Il s'est passé bien des choses depuis cette guerre. Et quand tout a échoué en Palestine et que les dépôts d'armes ont été découverts et saisis, les Juifs se sont aussitôt retournés contre Nessim. À cause de son amitié avec Montoli, je suppose? Exactement. Ils se sont cru trahis. Maintenant, les Égyptiens essaient de mettre sous séquestre les biens des Hosnani. Ils en ont déjà pris beaucoup, mais nous avons réussi à sauver quelques objets. C'est-à-dire? Alexandrie s'est mise en quatre pour soutenir son cher Nessim. Nous lui avons tous acheté quelque chose, avec l'intention de lui rendre quand la tourmente sera passée. Les Servoni ont acheté les chevaux arabes, Balbs la voiture, Cléa et moi le télescope. Et Justine? Elle est rentrée de Palestine. Memlik l'a tout de suite assignée à résidence à Karmabougirg. Ça fait une éternité que personne ne l'a vue. Nessim aussi. Et par privilège spécial, il travaille comme conducteur d'ambulance dans les docks. Très dangereux. Il y a eu un méchant bombardement. Il y a laissé un œil et un doigt. Nessim, bon Dieu. Un rude coup. C'était la guerre d'Harley. Maintenant, les armes se retirent doucement de la ville. Nous arrivâmes à l'aube en rade d'Alexandrie. Justine, regarde. Là, c'est lui ton père. Il est beau. Il paraissait beaucoup plus grand et plus maigre que l'image que j'avais gardée de lui. Il jeta sa cigarette et s'avança le long du quai de sa démarche souple et alerte en souriant d'un air embarrassé. L'enfant regarda les yeux écarquillés, les lèvres serrées, cette haute silhouette qui s'arrêta en souriant à moins de 2 mètres de nous. L'enfant se jeta contre sa poitrine en poussant un petit rire étouffé. Je la suivis et Nessim, riant, en la serrant contre lui, me tendit sa main amputée d'un doigt. Nessim ! Nessim ! C'est bon de se revoir. Venez, la voiture est par là. Cléa devait venir, mais elle a renoncé au dernier moment. Elle est partie au Caire. Justine est à Carm. Vous êtes au courant ? Oui. Narlet, vous devez venir la voir, vous savez. Nous vous attendons ce soir. Ali viendra vous chercher au bac avec les chevaux. À 8h, voulez-vous ? Justine se tenait tout en haut du grand escalier extérieur, comme une sentinelle, et regardait à ses pieds la cour obscure. Lorsqu'elle prononça mon nom pour la première fois, j'eus le sentiment que le ton de sa voix s'était fait délibérément plat et sans timbre, trahissant quelque étrange attitude de l'esprit qu'elle s'était sans doute imposée. Bonsoir, Darley. J'ai entendu les chevaux et je me suis sentie brusquement prise d'un malaise. J'ai renversé du parfum sur toute ma robe. J'en peste. Elle avait beaucoup maigri. Je fus aussi légèrement choqué de constater qu'elle avait posé sur chacune de ses pommettes une tache rouge vif qui faisait davantage ressortir la pâleur cadavérique de son visage. Elle était encore belle. Mais de la beauté passive d'une momie qu'on aurait maladroitement peinte pour donner l'illusion de la vie. J'ai beaucoup changé ? Mais pas du tout. Bien sûr que j'ai changé. Nous avons tous changé. Elle prit ma main et la posa sur sa joue. Puis, hochant la tête d'un air embarrassé, elle se retourna vers le balcon et lança d'une voix altière. Nessim ! Darley est là. Bonsoir, Darley. La petite est au lit. Elle est ravie du palais, comme elle dit. Et nous lui avons promis un poney. Elle voulait vous attendre, mais elle est trop fatiguée. Je crois qu'elle sera heureuse. Nous prîmes place à table et je remarquai l'air inquiet et tendu de Nessim. On aurait dit qu'il s'attendait à quelque brusque explosion, quelque reproche imprévu de la part de Justine. Ainsi vous revenez pour nous trouver emprisonnés à Carme, comme de vieux chiffres dans un livre de contes oublié. Des repris de justice, voilà ce que nous sommes devenus. Hein, Nessim ? Depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici ? Ne me parlez pas de ça. Lui, il a réussi à s'échapper. Il ferait n'importe quoi pour fuir cette maison. Pour me fuir, Darley. Il devient fou avec les scènes continuelles que je lui fais. Mais un jour, vous verrez, la vérité finira par éclater. Pardonnez-moi, Darley, mais il faut que j'y aille. Je suis de service cette nuit. Nous écoutâmes le pas de son cheval décroître sur la route du gué. Je me retournai pour regarder Justine. Avec la vivacité d'un serpent, elle traversa l'espace qui nous séparait et s'assit à mes pieds. Comment se fait-il que tu n'éprouves aucune rancune contre moi? C'est désarmant. Tu n'as donc pas de haine pour ce vampire? En fait, je n'éprouve aucune rancune envers le passé. Au contraire, je suis plein de gratitude. Cette expérience, qui a peut-être été banale en soi, m'a immensément enrichi. Tu veux que je te dise? Maintenant que je suis libre de haïr ou d'aimer, je ne ressens que de la rage devant ton horrible sang-froid. Tu m'as échappé, Darley. Qui l'aurait cru? À ma grande surprise, je compris que, pour la première fois, j'avais le pouvoir de la blesser, et même de la subjuguer uniquement par mon indifférence. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure par « la vérité finira par éclater » ? Tu reproches quoi au juste à Nessim ? Cette mort de Naruza. Les Coptes disent que c'est Nessim qui l'a machiné. C'est devenu une sorte de malédiction familiale qui pèse sur lui. Sa mère est malade. Mais elle dit qu'elle ne reviendra jamais dans cette maison. C'est vraiment à cause de Narus que tu lui en veux ? Tu me connais bien. Non, bien sûr. Lorsque nous étions deux conspirateurs unis par la même œuvre et les mêmes dangers, je me sentais passionnément et sincèrement éprise de lui. Oh, je sais. En fait, Nessim est un parfait idéaliste. Lorsque le sentiment d'un destin à accomplir le dévore, il devient vraiment sublime. Mais quand il n'a rien à faire, il perd absolument toute saveur. Il engendre l'ennui, la migraine et des idées aussi banales que le suicide. Alors je lui plante mes griffes dans la chair, par désespoir. La nuit était avancée. Justine me conduisit à la lugubre chambre d'hôte où l'on m'avait préparé un lit, et je m'endormis presque aussitôt. L'aube se levait à peine quand je m'éveillais, et je la vis près du lit, entièrement nue, les mains jointes en signe de supplication, comme une pauvresse des rues. Je ne te demande rien. Prends-moi seulement dans tes bras pour me réchauffer. Je ne veux pas rester seule avec mes fantasmes. Quelques caresses, Darley, et un peu de tendresse, c'est tout ce que je te demande. À moitié endormie, je lui fis place à côté de moi, distraitement. Elle pleura en tremblant et en geignant un bon moment, puis elle finit par s'endormir, sa tête sombre sur l'oreiller à côté de moi. L'image jadis merveilleuse de mon amour reposait maintenant au creux de mon bras, désarmé. Je n'éprouvais nul besoin de murmurer son nom, ce nom qui avait exercé sur mon sang une fascination si terrible qu'il avait le pouvoir d'en ralentir le cours dans mes veines. C'était comme si un énorme portail de fer s'était refermé pour toujours dans mon cœur. Le jour montait lentement. J'avais hâte qu'il me libère. J'étais impatient de repartir. Flânant à nouveau dans les rues de la capitale d'été, allant sous la lumière du printemps, sous le ciel sans nuages, le long de la mer bleue, je me sentais sans pesanteur, comme après une longue maladie dévastatrice. Des scènes et des conversations oubliées m'assaillaient tout à coup, surgies des tables de café, des chambres closes aux plafonds écaillés. Alexandre, princesse et catin, comme aime le dire Balthazar. Je me dirigeais doucement vers la rue Fouade. Il était temps de revoir Cléa. Darley, enfin. Nous nous embrassâmes tendrement. C'est avec une étrange émotion, presque un sentiment de découverte, que je sentis sa bouche chaude et riante sur la mienne, ses mains sur mes épaules. Comme si quelque part une vitre volait en éclats et que l'air pur pénétrait dans une pièce restée fermée depuis longtemps. Oui, enfin. Cléa, pourquoi n'êtes-vous pas venue au port? Nessim m'a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je ne savais pas. Je ne savais pas si vous aviez changé ou pas. Comment vous expliquer? J'ai revu Justine. Vous n'avez rien à m'expliquer. Ce que nous attendons l'un de l'autre est totalement différent de tout ça. Nous sommes libres d'oublier. Une pile de toiles était tournée contre le mur. J'en retournais une ou deux. Mon Dieu, Cléa, vous êtes devenue un peintre abstrait. Je sais. Balthazar déteste mes nouvelles toiles. Vous les trouvez horribles? Non. Elles sont plus fortes, il me semble. Nous nous assîmes sur le tapis, comme cela nous arrivait bien souvent autrefois. Les jambes croisées, comme des tailleurs arméniens, ainsi qu'elle l'avait fait remarquer un jour. Nous levâmes nos verres, et je regardais l'éclat de la bouche souriante et des traits candides de Cléa. Et ici, enfin, dans cette pièce mémorable, sur le tapis usé, nous nous embrassâmes avec, comment dire, un calme souriant et grave. Tu te souviens de la nuit où Justine avait disparu? Nous l'avions passée dans les bras l'un de l'autre. Je t'avais supplié de ne pas me toucher. Je n'avais pas su trouver la clé de la porte, si on peut dire. Et là, tu vois? Elle s'ouvre, lentement. Une superbe malice se reflétait maintenant dans son visage, habitait ses beaux yeux et s'exprimait par le geste ferme et réfléchi avec lequel elle guidait mes mains à l'intérieur de ses vêtements pour s'offrir tout entière à leur étreinte. Ou encore prenant ma main et la posant sur son cœur. Écoute, il s'est arrêté de battre. Nous restâmes ainsi, extatiques et ravis, comme les personnages d'un tableau oublié, savourant lentement le bonheur accordé à ceux qui commencent à se délecter l'un de l'autre, sans réserve, sans mépris, sans amertume, sans aucun des masques prémédités de l'égoïsme. Viens. Viens, on va dormir ensemble et ignorer la grossière réalité du monde. Quand je m'éveillais, le lit était vide. Cléa était à la fenêtre, debout devant les rideaux tirés, nue et mince comme un arôme. Elle regardait l'aube se lever sur les toits de la ville arabe. La grande prière s'enroulait autour de la ville. Et tout en l'écoutant, je sentis l'odeur chaude qu'avaient laissée les cheveux de Cléa sur l'oreiller à côté de moi. Cléa. Elle se retourna et je sus qu'elle partagerait tout avec moi, qu'elle ne me dissimulerait rien, pas même ce regard de complicité que les femmes réservent à leur miroir. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. 19e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, Vanessa Larré, Cléa. Et les voix de Luna, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitris Capolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.